Chapitre 13e, à la ferraille. Après une nuit dans le coltard, due au Médoc cavalé, je reprends la direction du commissariat d'Aix où l'équipe est actuellement basée. Dès mon entrée dans le bureau, Michaud, déjà là, sent que je suis fébrile. Encore une journée où il a fallu me prendre avec des pincettes, comme un gamin contrarié. Encore qu'un gamin, on peut lui balancer une mornifle pour le remettre dans le droit chemin, mais un commissaire de police. Michaud me lance néanmoins un salut patron, cordial. Sans attendre qu'il se lève, je m'assois sur son bureau et tout en le menaçant du coupe-papier, lui donne mes instructions. « Il faut absolument me retrouver ce Dodge, tu m'entends? Je vais m'y mettre aussi. Dès que tu as quelque chose, tu me rends compte, et à moi seul, c'est compris? Tiens, doit se dire Michaud. Le patron va marquer des points auprès de Cassard et c'est encore le larbin qui va faire le bon boulot. Comme j'ai deviné ses pensées, je lui lance d'un ton sec. « Non, ce n'est pas ce que tu crois. Ensuite, il faut me trouver le propriétaire d'une déesse, dont j'ai noté le numéro d'IMAT. Tiens, voilà. C'est tout, patron? Oui, c'est tout. Ça ne va pas te demander la matinée, tout de même. Pendant ce temps-là, je m'occupe d'autre chose. » « En rapport avec l'enquête ?» demanda ingénument Michaud. « Bien sûr, je ne vais pas aller faire des courses au Monoprix. Oh, et puis, tu as décidé de me faire venir le gonfle ce matin ?»« Aïe, ça y est, un mot de trop. » Mais Michaud ne peut pas s'en empêcher, quelquefois. Je sais bien que le Dodge ne sera pas trouvé grâce au fichier des cartes grises. Mais cette recherche va occuper Michaud pendant que moi, Gino, vais pouvoir mener une enquête parallèle à ma guise. J'ai déjà une idée sur la question. Il me faut d'abord régler le problème de mon arme de service volée. Sous le prétexte d'une vérification, je téléphone et demande discrètement à l'armerie les numéros de série des armes qui ont été attribuées aux hommes de mon équipe, ainsi que la mienne. Je relève le numéro de mon pistolet sur un bout de papier. Je descends à Marseille et me rends d'abord chez un copain armurier de la rue de Rome, Tchetagui, un type que j'ai couvert dans certaines affaires et qui me doit une fière chandelle. Il va falloir que Tchetagui me renvoie l'ascenseur. C'est un petit homme malingre, mais aux yeux pétillants de malice. De toute évidence, c'est le roi de la combine. « Oh, Gino, qu'est-ce qui t'amène ? Tu as décidé d'équiper ton équipe de lance-pierre ? Ce n'est pas le moment de déconner, Tchetagui. Passe dans l'arrière-boutique. » L'armurier comprend que l'heure n'est pas à la plaisanterie et obtempère. Il me faut un Mas 50. Je sais que tu en as de récupération. La police est pauvre à ce point qu'elle ne vous fournit plus les flingues. Arrête tes conneries. D'accord, Do. J'ai du 11-43 tout neuf, si tu veux. Non, il me faut un 9 mm. Un de ceux qu'on a dans la police. 9 mm? J'en ai une cargaison. L'homme ouvre son coffre et met sur la table de l'atelier une douzaine de Mas 50 9 mm. Manufacture d'armes de Saint-Étienne. C'est bien ça que tu veux? Je te fais un lot ou un paquet cadeau? Sans répondre, j'inspecte les pistolets un par un et finis par en sélectionner un dont le numéro se rapproche du mien, à deux chiffres près. Je fais jouer le mécanisme de l'arme. « Tu veux l'essayer ?» demande Tchetagui. Je fais non de la tête. « Tu sais d'où il provient ?»« Directement de l'usine, » dit Tchetagui avec un sourire ironique. « Je peux te garantir qu'il n'a servi à aucun braquage ni assassinat que ce soit. » J'opine et pose sur la table de l'atelier 10 billets de 100 francs. « C'est bon, » fais-je à Tchetagui. « J'y perds. »« Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour un ami ?» Je place l'arme dans mon holster vide et mets la main sur l'épaule de Tchetagui. Tu sais que tu peux aussi compter sur moi, pour la discrétion. À l'évêché, je passe voir l'armurier qui me connaît bien. J'ai vérifié les armes de mes gars et la mienne et je crois qu'il y a un problème. Oh putain, s'exclame l'armurier. Un de vos gars promet la sienne, ça va faire vilain. Non, ce n'est pas si grave que ça. Il s'agit de la mienne. J'ai téléphoné d'Aix pour demander les numéros et je crois que sur mon masque, il y a une erreur. Ah, on va voir ça. C'est possible. Je pose le flingue sur la table pendant que l'armurier va chercher le registre. Il compare les numéros. Effectivement, il y a une erreur. Je vais voir si on n'a pas interverti deux armes. Attendez, je vais relever le numéro de votre pistolet. Sur l'autoroute nord, je me dis que la substitution permettra de jeter un voile de fumée au cas où. Après, il faudra remonter les filières, trouver des preuves et tout le toutim. Toutes choses qui me permettront de gagner du temps pour éclaircir l'affaire à ma façon. De retour au commissariat d'Aix, je monte 4 à 4 l'escalier qui mène à mon bureau et appelle Michaud à grands cris. Celui-ci est en train de taper le bon de gras dans le bureau des inspecteurs avec ce banc. « J'arrive, patron, j'ai du nouveau. »« Bon, écoute, On va aller manger un morceau, et sans jeter un derrière la cravate au cintra. Cette cage à poules dont on ne voit même pas la mer me fit le bourdon. J'ai besoin de changer de décor. Ça y est, pense Michaud, une nouvelle crise. Restons calmes et buvons frais. Une fois tablés à l'écart, nous commandons deux formidables. Allez, Serge, accouche. Alors, la déesse appartient à certain Fred de San Lucas, domicilié à Salon, dans le quartier miteux en dessous du château de l'Empérie. Bon, il va falloir se rencarder sur ce type. Et pour le Dodge? Il n'y en a pas des tonnes. J'en ai trouvé trois, qui servent de dépanneuses dans les garages. Et j'ai été mis sur la piste d'un gars qui les restaure et possède un stock de pièces de rechange. Tu l'as contacté? Oui. Et il m'a dit qu'il en possédait plusieurs, mais qu'il n'était pas encore immatriculé. Il les fait passer aux mines une fois qu'ils sont restaurés. Donc il est possible que l'assassin ait utilisé un bahut qui n'est pas immatriculé. Il y en a encore qui traînent dans les fermes de l'arrière-pays et qui ont été étouffés après le débarquement des Alliés. Je ne réponds à rien à ce qu'ils viennent entendre et pour cause. Ce que vient de dire Michaud est pétri de bon sens et va s'imposer à plus d'un esprit, et notamment à celui du juge, qui a l'air très au courant du marché des véhicules de guerre. Autant contrôler totalement la situation de ce côté-là. Bon, ça je vais m'en occuper personnellement. Tu vas venir avec moi, au cas où, mais tu me laisses complètement mener l'affaire. Le gars que nous devons visiter possède une case quelque part du côté de Pélissane. J'avais entendu parler de lui et comptais aller le voir pour essayer de trouver les quelques pièces qui manquaient à mon Dodge. Lorsqu'on arrive sur les lieux, le gars est penché sur un camion grue et déplace des carcasses automobiles. Dans le fond du terrain, je reconnais des épaves de Dodge, bien rangées, en plus ou moins bon état. Je me dirige droit sur le coin et commence à inspecter les camions rangés. Je sais que le mien couche sur l'un des longerons du châssis, pratiquement impossible à redresser vu l'épaisseur de la ferraille. Sans faire appel à ce détail, je vois bien qu'aucun des cinq qui sont là ne peut être le mien. « Salut, » fait l'homme, enfin descendu de son perchoir. « Vous cherchez quelque chose ?» J'exhibe ma carte de police. « Nous cherchons à voir tout ce que vous avez sur les commandes-cars. On en recherche un particulièrement. » Ben, j'ai ceux-là, mais ils ne sont pas roulants. Mais si vous voulez du neuf, j'en ai deux, complets, dans un hangar là-bas. Allons-y. J'inspecte méticuleusement les deux engins sémillant dans leur peinture kaki toute neuve. Ce sont des engins remis dans leur état d'origine et visiblement destinés à des amateurs ou des musées militaires. Bien sûr, aucun des deux ne correspond au mien, dont l'arrière avait été découpé, alors que ce type de véhicule comporte habituellement une banquette, comme une Jeep. Ils sont beaux, vos camions. Je suppose qu'ils ne sont pas donnés. Il y a du boulot là-dessus, vous savez. C'est de la restauration sérieuse et pas du maquillage. Vous devez avoir un stock de pièces, on peut le voir. Vous vous y connaissez ? Fait l'homme intrigué. Oui, oui, faites voir, dis-je nerveusement. Michaud me jette un coup d'œil en douce, il doit se dire. Il ne manque pas d'air tout de même, leur ital. Nous pénétrons tous les trois dans un troisième hangar où règne un ouaille pas possible, comme dirait l'autre. Là encore, j'inspecte soigneusement les blocs moteurs, les boîtes à vitesse, les essieux, les châssis. Je sais que si les pièces de mon camion figurent parmi l'inventaire, je les reconnaîtrai. Michaud, voyant son patron pourrir ses jeans, pense qu'il a perdu la tête. « Mais, patron, qu'est-ce que vous faites ?»« Ah, basta, hein ?» L'homme me laisse faire sans broncher. « Il faut que je me rende à l'évidence. » Mon camion n'a pas terminé dans cette décharge pour y être démonté. Il est donc planqué ailleurs. Je sors du hangar et jette un coup d'œil circulaire. Ici, il n'y a pas de place où dissimuler un bahut. Par acquis de conscience, je vais faire un tour derrière les bâtiments. Michaud et l'homme me suivent comme deux petits chiens fidèles. Je me retourne finalement vers eux et mes poussettes le jean et le blouson. Michaud croit vouloir réentamer une conversation. « Qu'est-ce qu'on fait, patron ?» Sans lui répondre, je me tourne vers le ferrailleur. « Est-ce que ces derniers temps, vous auriez eu de nouveaux clients ?» L'homme réfléchit. « Ben, il y a un gars qui est venu me chercher un Delco pour ce modèle. Et après, il est revenu pour une Coura de dynamo. Mais c'est tout. Les autres clients, je les connais depuis longtemps. Je peux vous dire à peu près où ils crèchent. » J'opine et fait signe à Michaud de s'en occuper. « Une dernière chose. Le gars qui est venu pour le Delco, vous pourriez me le décrire ?»« Ah, là, il faudrait demander à Ali. C'est lui qui l'a servi. Et Ali, il est où ?» Manque de bol, il est parti chez lui en Algérie, comme tous les ans. De dépit, je frappe le sol du talon de ma Santiago. Merde. Michaud est de plus en plus dans le brouillard. Décidément, il y a des choses que le patron comprend et que lui, inspecteur divisionnaire, ne comprend pas. C'est à croire que ça doit être la fonction qui crée l'entendement. Eh oui, Michaud ne peut pas savoir que sur le camion du boss, justement, le Delco était fondu et que la cour à la dynamo menaçait de finir en plat de spaghettis. Bon, écoutez-moi bien. Si ce gonze revient, prévenez-moi immédiatement. C'est bien compris. Voilà mes coordonnées. Et je rajoute au stylo le numéro du bureau d'Aix et mon téléphone perso. Allez, Michaud, on en sait assez. Bien, on peut partir. Direction salon, puisque nous sommes de la côté. On va rendre une petite visite à ce San Lucas. Tout en conduisant, je me demande si je dois dire ou non la vérité à Michaud. Pour l'instant, ce serait compliqué de lui expliquer les tenants et les aboutissants de l'affaire. Devant la mine un peu déconfit de mon adjoint, je finis par lui dire « Écoute, je sais que tu te demandes où je vais en venir, et si je ne suis pas en train de devenir cinglé. Il y a des choses pour l'instant que je ne peux pas t'expliquer. Tu as confiance en moi et tu sais que je ne m'amuserais pas à te balader si je pouvais faire autrement. Ne crois pas que je fais une enquête dans ton dos et que je te prends pour une bille. Merci de m'avoir dit ça, c'est sympa de votre part. C'est vrai que je me pose des questions. » Bientôt, bientôt, tu sauras. Mais encore une fois, sois sûr que j'ai toute confiance dans ta manière de travailler et que ce n'est que par prudence que je ne te dis rien. Michaud n'a toujours pas compris. Tant pis, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Quant à moi, je suis presque sûr maintenant que mon camion est entre les mains de quelqu'un qui tâte en mécanique, ce qui n'est tout de même pas le cas de Sylvia, et que le voleur va peut-être utiliser une nouvelle fois mon Dodge. Méfie, attention, l'engatz. Le problème est loin d'être terminé.